Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Marie Églantine. Bonjour. Bonjour Marie Églantine, comment vas-tu? Bonjour Sofiane, je vais très très bien. Bon, ben ça fait plaisir. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Oh, super. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'ai pas réussi à choisir, j'en ai deux qui me sont venues en tête, ouais. Sans problème, on prend tout ici. Du coup, je commence ou quoi? Bien sûr, vas-y, vas-y. En fait, j'avais envie de raconter la toute première fois où j'ai vendu mon spectacle. Donc, en fait, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, mais il y a parfois, on joue où on n'est pas payé. Et parfois, on joue où on est payé. Et quand on est payé, parfois, on a un pourcentage sur la recette. Et parfois, on est vraiment payé, quoi. On a un vrai cachet. Et là, j'avais réussi à vendre pour la première fois mon spectacle complet. Dans une fête de village. Voilà, ça donne déjà l'ambiance du truc. J'imagine. C'était la première fois que j'allais le jouer dans des conditions différentes. Enfin, je veux dire, pas dans un comedy club, pas dans un cadre bien déterminé à ça. Donc, devant des gens qui, en gros, n'en avaient rien à cirer de l'humour et qui allaient avoir... Enfin, qui étaient entre eux, quoi. Qui étaient vraiment une communauté de village. Bon, j'ai accepté parce que je me dis, ça me fait de l'entraînement, ça me fait de l'argent. Et puis, la fille avait l'air hyper emballée. Elle voulait que ça soit moi. J'accepte. Et d'accord. Donc, je fais le contrat, etc., comme on m'avait bien appris à faire, parce qu'il faut toujours bien faire ses contrats, bien faire sa fiche technique pour être sûr d'avoir tout ce qu'on veut dedans. On va pas se mentir, c'est pas le cas. Hein. Des fois, bah, tu vois, ouais, c'est tu ce vois, que là... je vais raconter. Oui, ça m'étonne même pas, ça m'étonne même c'est pas. Ce t'as que mettre je vais toute raconter. La liste. T'as beau mettre toute la liste, il y a toujours un truc qui va pas et on te dit oui, t'inquiète pas, oui, il y a une scène, ouais, oui, un micro, bien sûr. Et puis t'arrives et finalement tu joues à même le sol sans micro. Exactement ça. En fait, mon spectacle, comme il était dans sa première mouture, j'avais juste besoin d'un micro et d'un pied. Et au niveau des lights, j'avais besoin de quelque chose qui m'éclaire et d'un contre. J'avais juste un moment dans le spectacle où je voulais un contre pour faire un effet quoi, où on voyait que mon ombre. D'accord. Et donc, j'avais spécifié ça dans la fiche technique. Donc, j'étais vraiment pas exigeante. En plus, je demandais juste... ça. Oh, oui, t'as pas demandé des trucs vraiment exagérés. Voilà, donc, et alors j'arrive dans l'après-midi et déjà on m'annonce d'emblée qu'en fait je jouerai après ce qu'on appelle chez nous le souper, donc après le dîner, après le repas. Donc vers 22h30. Il était 16h, je crois, quand je suis arrivée. Ah ouais. Je fais ah, ok. Super. Et alors, elle me dit, oui, mange un spaghetti bolo. Donc, qui dit spaghetti bolo dit, ils vont boire. Enfin, c'était vraiment la fête de village. Je me dis, oh, maman, super, dis donc, je suis toute seule là. Et après, elle me dit, voilà, alors, on t'a pris tout ce que tu as demandé sur la fiche technique. Et là, je m'approche de ce qui allait être mon régisseur. Et il me dit, voilà, j'ai pour toi des micro-casques. Mais en fait, j'avais demandé un micro main sur pied dans ma fiche technique. Ouais. Ah oui, ben on en a un aussi. Je fais, ah ben parfait. Et le pied, ah il fallait un pied. Et donc, je dis, oui, il fallait un pied. Ah ben, je vais me débrouiller pour en trouver. Et pendant ce temps-là, on me montre un petit peu l'installation lumière. Et en fait, ils avaient, soi-disant, la salle n'était pas équipée. Donc, ils avaient loué du matériel qui, par la suite, j'ai appris, avait coûté plus cher que mon cachet. Oh là là. Ouais, ça c'était vraiment dur à avaler. En gros, ils avaient dépensé 900 euros pour deux LED sur pied. Ouais. Et une espèce de douche qui allait faire mon contre, mais qui tombait vraiment comme... Allez, tu prends ta douche et t'as le projecteur qui te vient dans la figure, tu vois, parce que je veux dire, le truc pas du tout capté, quoi, pour faire un effet... Et ça allait pas, franchement ça n'allait pas du tout. Et à un moment donné, je dis est-ce que on peut, parce que je vois qu'il y a des projecteurs qui sont déjà installés. Et je dis à la fille, je dis est-ce qu'on peut pas quand même aller voir en régie, parce qu'il y avait une petite régie quand même en haut. Comment ça fonctionne, si on peut pas les allumer, parce que ça m'a l'air d'être bien placé. Et puis je monte dans la petite régie qui avait plus servi depuis le 19e siècle, et là il suffisait d'allumer un bouton et tout tous les projecteurs se sont mis en route et ça donnait exactement l'effet que je voulais sur le micro. Voilà, et là, c'est là qu'elle m'a dit, ah, quand je pense qu'on a payé 900 euros pour la, pour les lumières, j'étais tout à fait dégoûtée. Bon, je me dis, tant mieux, j'ai l'éclairage. Bon, j'ai pas mon effet contre parce que c'était vraiment dégueulasse. Mais bon, voilà. J'ai un truc qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Et puis, comment ça s'est passé ensuite? Ah ouais, ensuite, le gars est revenu avec le pied. Alléluia. Donc, il a quand même réussi à trouver un pied, ça va. Il a trouvé un pied. Donc, faut s'imaginer un petit village belge. Hein, donc, il a trouvé un pied miraculeux. Et là, j'essaye le micro. Et je me rends compte que de un, il n'y a pas de retour son. Et qu'il n'y en aura pas. Et que de deux... Le micro, ça c'était le pire truc, le micro était unidirectionnel, c'est-à-dire qu'en fait, si je parlais pas à 2 cm devant, eh ben, ça ne prenait pas le son, donc tous mes effets où je bouge la tête, où j'avais quand même une petite mise en scène, ça n'allait pas marcher, donc j'étais obligée de rester comme au karaoké, quoi. Ah ouais, il fallait que tu sois statique. Ah ouais. Super, ouais. Voilà, ça c'était l'installation. Oh là là. Et puis je lui montre ma conduite et je crois que le gars qui était à la régie découvrait ce que c'était une conduite donc là je vais mettre le son, oui c'est ça d'accord, je vais lui expliquer. Donc, je lui explique. Après elle me dit est-ce que tu veux, mais c'est pas la fin de mon cauchemar hein. C'est ça qui est le pire, c'est que c'est pas la fin du cauchemar. Non, mais c'est ça qui est magnifique avec nos galères, c'est que quand elles arrivent, tu vois, on en a toujours un peu plus, tu sais, c'est vraiment des galères généreuses qui nous arrivent et c'est génial. Là franchement je me délecte. C'est génial, mais il faut quand même se rappeler, comme j'ai dit au début, c'était la première fois que je jouais mon spectacle complet devant d'autres gens qui ne sont pas de ma famille. Et et que je l'avais vendu. Donc, je me devais quand même d'assurer une certaine qualité de prestation. Ouais, c'est normal. Donc, voilà. Là, elle me dit, est-ce que tu veux manger avec nous? Je fais, non, j'étais pas très loin de chez mes parents et j'étais totalement dégoûtée. Donc, je me suis dit, je vais retourner chez ma maman. Laissez-moi voir des visages amis, s'il vous plaît. Je veux revoir ma famille. Il fallait que je décompresse. Donc, je vais manger, je reviens. Et quand je reviens, elle me dit, je t'ai préparé ta loge. Alors, la loge, c'était dans une petite cave en bas. Après, il y avait. D'accord. Les toilettes, c'était derrière un rideau. Ah. Et j'étais avec ma sœur et ma maman, mais qu'est-ce qu'on a ri. On était là dans cette petite cave. Et alors, je dis, mais sur ma fiche technique, j'avais quand même demandé qui est à boire et à manger. Je m'attendais quand même à avoir. Moi, c'est vrai que je venais de manger, mais des chips, du coca, je sais pas, un truc. Ah, des trucs qu'on voit dans les loges en général, quoi. Voilà, c'est ça. Je m'attendais à avoir une loge. Et donc, il n'y avait rien. Et donc, là, ils sont revenus en disant, voilà, on a pu te trouver des petites bouteilles d'eau et des cacahuètes. Donc, voilà. Et c'est pas tout. Je dis, mais aussi, sur ma fiche technique, j'avais demandé un verre à bière. Parce que dans mon spectacle, il y a un verre à bière avec une jupilère ouverte, mais pas servie. Et ils n'avaient pas lu. Donc, ils ont dû remuer les terres. Trouver ce seul accessoire dont j'avais besoin. Depuis, je ne m'en sépare jamais. Depuis, j'arrive toujours avec ma bière, mon verre. C'est vraiment l'enfer. Oh là là là là. Et alors, là arrive, je ne sais pas si c'est déjà le clou de la soirée, mais en tout cas, ce moment où le gars responsable de la soirée vient près de moi et me fait « Marie-Glantine, tout va bien ?» Je fais « Oui, je suis un petit peu stressée, mais tout va bien. » Et il me dit « Écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. » En fait, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est décédé cet après-midi. Oh là là. Et ça a fait un choc à tout le village, parce que bon, c'était quand même le bout en train du village. Oh. Et là, je regarde ma maman, je regarde ma sœur, et je me dis, c'est pas possible, ça ne peut arriver qu'à moi. C'est-à-dire que mon spectacle commence par le décompte des morts, de l'heure pendant laquelle on va... Enfin, mon spectacle commençait par un décompte de morts comme on a maintenant avec le corona, quoi. Mais je dis, c'est pas bien grave, hein, ça risque pas de nous arriver à nous. On est là, quoi. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change ce début de spectacle? Enfin, voilà. Ça, c'était la petite joie. Et donc, je me retrouve dans les coulisses à attendre pour où j'avais autorisé je ne sais plus qui, à faire un peu une éloge funèbre, funéraire, finalement, avant mon spectacle. Enfin, ce que j'ai Ouais. appris qui allait être ça, c'est-à-dire qu'il a parlé pendant 10 minutes de la tristesse d'avoir perdu cette personne Aïe. devant tous ces gens qui étaient affectés par le fait d'avoir perdu cette personne. Bah, Et vraiment, moi, si je tu veux, m'étais... on est triste pour eux, on est triste pour eux, mais on va dire c'est pas le meilleur choix de première partie pour un spectacle, hein, c'est. C'est ça, vraiment. Mais... Déjà, j'avais pas de première partie, mais alors là, le truc... Et puis, il m'avait aussi demandé s'il pouvait raconter une anecdote sur ma sœur, parce qu'il avait vu ma sœur et il la connaissait, parce que ma sœur est chanteuse, et enfin bon, bref. Et donc, il y avait tout ce truc où il y avait l'anecdote sur ma sœur qui servait à rien, il y avait ce truc de machin qui est mort. Et arrive mon moment où je dois monter sur scène, et là, en fait, le type se trompe de musique, évidemment. Évidemment. Ça aurait été tellement pas normal qu'ils mettent la bonne. Mais évidemment qu'il s'est trompé. Donc Oh. voilà, donc je lui dis, c'est pas ça. Puis il rechange, je monte sur scène, j'arrive. Et mon premier truc, c'est qu'il y a un silence énorme et gênant, mais qui est devenu très très gênant. Voilà, et puis voilà, je commence mon spectacle et je me dis, allez, courage, ça dure 1 heure, 1 heure 10. Et j'ai décompté les minutes, les secondes dans ma tête tout en jouant. Et à un moment donné, je dis, je pourrais faire ça, chauffer le bus. En fait, oui, voilà, comment, enfin, c'est le début de mon spectacle où je dis, comment, allez, je ne me souviens même plus du début de mon spectacle. Voilà, ça c'est le confinement, on oublie même son texte. C'est dingue! Oh, ah oui, j'ai dit que je suis célibataire et que je recherche activement un partenaire. En gros, que j'ai vu une annonce pour être chauffeur de bus, je pourrais faire ça, chauffer le bus, à défaut de pouvoir chauffer une salle. Et là, je ne sais pas qui crie dans cette magnifique salle de gens. Il était 22h30, 45, qui avaient bu, qui avaient mangé des spaghettis bolo. Et là, il y a quelqu'un qui crie. Ouais, lui, il est célibataire aussi, et si tu veux, il est chauffeur de camion. Mec, j'étais à 5 minutes du début de mon spectacle, il m'en restait 55 autres. Ah, À un j'avoue que ça moment annonce la... donné, Ah, oh, ça annonce mec, ouais. vraiment une belle galère pour tout le reste du spectacle. Oh. Là, t'es... Ouais, malheureusement, ouais, comme t'as dit, ouais, spaghetti bolo, et puis ils ont dû boire aussi. Donc, c'est tellement dur quand les gens, ils ont bien bu et qu'ils sont bien remplis, tu vois. T'arrives pas à te faire entendre, et puis eux, ils réagissent là où il faut pas. Ah, Ah c'est oui, vraiment, vraiment c'est là, ça a dû horrible. être dur. Je compatis. Et je crois que j'ai fait un blackout après, comme si j'avais trop bu et que j'étais dans le coma. Mais dans mes souvenirs, j'ai pris mon micro en main, ce que je ne fais jamais. Je me suis approchée. Je dis, écoutez, si vous avez encore quelque chose à dire, vous le dites maintenant. Mais après, vous vous taisez. Et tout le monde s'est tu. Parce qu'il y avait eu plusieurs remarques comme ça. Et puis j'ai repris ma place et j'ai continué, mais sur des rails, quoi. J'ai fait mon Ah, texte sur des rails. ouais, pilote automatique, quoi. Pilote automatique, 30 minutes. La première partie durait 30 minutes. C'est celle que je maîtrisais le mieux. Ben, je l'ai malgré tout subi. Et puis je me suis dit, oh putain, il reste 30 minutes. Je me rappelle ça, je me le suis dit. Il reste 30 minutes, il me reste la pire partie de mon spectacle parce que je l'avais jamais vraiment joué en entier. Ah. Voilà, j'ai subi, j'ai salué, je suis partie, j'ai même pas regardé les gens, vraiment, voilà. Et ma maman et ma soeur qui étaient restées ont essayé de me rassurer tant bien que mal, mais voilà, c'était la première fois où j'ai vendu mon spectacle. Ah mais franchement, c'était une belle... Ça m'étonne pas que tu t'en souviennes, c'est vrai que c'était une belle suite de galères, mais bon, aujourd'hui, tu en rigoles, quoi. Aujourd'hui, mais à la limite. Même sur le coup, enfin, je veux dire, c'est pas que j'en ai rigolé sur le coup, mais directement, tu te dis, ça, c'est vraiment l'anecdote. Enfin, tu sais que tu tiens un truc, quoi. Et Ah je rêvais de le raconter, donc merci pour l'opportunité de le raconter. avec grand plaisir. Ouais, j'ai pas Oh encore écrit par rapport à ça, mais. bah, quand les scènes reprendront, voilà, on vous invite à aller voir Marie-Églantine sur scène et surtout amener des spaghetti bolo. Amenez-les. Eh ben écoute, merci beaucoup. Et donc ta deuxième anecdote, c'était quoi? Ça, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus drôle. Moi, je trouve qu'on est plein d'anecdotes, mais celle-là, elle était vraiment très, très drôle. C'était... Oh mince, ça fait déjà plus d'un an. J'hallucine. Le temps a passé super vite. On jouait, on faisait un plateau d'humoristes pas très loin de Bruxelles. Et donc, comme j'expliquais dans la première anecdote, dans mon sketch que je joue de manière récurrente, j'ai une bière et un verre. Et en fait, à un moment donné, j'affonne. Donc, affonner en Belgique, ça veut dire boire cul sec. Donc, Ah, j'affonne d'accord. le verre de bière. Et Donc je fais tu... ça depuis le début que je joue. Et j'ai jamais eu de soucis. J'ai même déjà fait à la Duvel. J'ai déjà fait plein de trucs. Et jamais eu un seul couac de bière, quoi. D'accord. Et là, et alors, il faut savoir aussi que mon personnage est un peu à la Blanche Gardin, très stoïque, un peu impassible, etc. Et D'accord. là, je me rappelle, il y avait, je sais pas si tu vois, PE, PE, notre oui, bien humoriste. sûr. Ah oui, Il y avait excellent, excellent PE. PE, il y avait Abdel, il y avait, je sais plus qui, il y avait Inojip, je crois. Enfin bon, bref, on était une belle bande. Et à un moment donné, donc je fais cet à fond, comme on appelle, hein, et je commence ma phrase suivante. Et là, il y a un ro, mais monumental, qui sort de je ne sais pas où. Je ne savais même pas que ça pouvait sortir de mon corps. C'était vraiment en plein milieu de la phrase, ce ro qui arrive de manière où même moi, j'étais surprise, tu vois. J'ai fait, mon Dieu, ça peut m'arriver. Et là, je vois, mais la salle qui éclate de rire. Moi aussi, j'en pouvais plus. J'ai fait tout le reste de mon sketch avec les larmes aux yeux et PE derrière qui a trouvé ça fantastique, qui arrêtait pas de rire. Enfin bon, bref, il me le rappelle encore aujourd'hui, ce truc d'ailleurs. Tu te rappelles la fois? Moi, je me rappelle Mais très bien. c'est tellement beau, c'est tellement naturel et tout, c'est génial. Mais du coup, j'ai marqué très très fort. Ouais, j'ai marqué les esprits là-bas. C'est sûr que je suis Ah, c'est devenue sûr, ouais, c'est sûr. le Après, symbole de la féminité ah mais incarnée, oui, quoi. mais c'est génial parce que ça a servi ton propos, j'imagine. Bah oui et non, parce que... Enfin, oui et non. Disons que ça m'a aidé. En fait, cette fois-là, ça m'a aidé à décoincer un truc qui était coincé chez moi dans le lâcher-prise, etc. Parce que, bah ouais, moi je suis quelqu'un, j'avais besoin d'étudier mon texte et de faire exactement ce que j'avais prévu. Et je m'éloignais très très rarement de mes petites railles, D'accord. de mes petits rails. Et là, vraiment, bah, j'ai dû lâcher prise, quoi. J'étais tellement mort de rire, j'arrivais pas à me rattraper. Donc Voilà. le conseil que donne Marie Églantine au final, c'est pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, rôtez. En tout cas, faites quelque chose qui vous surprend vous-même. Là, je pense que tu t'es surpris toi, t'as surpris PE, t'as surpris les collègues Ah et t'as surpris le public, t'as oui. surpris toute la salle. Et on reparle encore aujourd'hui. Enfin, il y avait eu un post qui était passé justement quand ça faisait un an qu'on avait fait cette scène. Et on m'en a encore reparlé. Donc, oui, vraiment, cette histoire a Ah, marqué c'est les génial. esprits. C'est génial. Après, ça te pousse à en parler parce que tu sais, il y a des humoristes, en fait, tu parlais des rails tout à l'heure. Il y a des humoristes qui sont tellement sur leur rail que eux, par contre, si jamais il se passe ça, ils vont même pas réagir, tu vois, ils vont faire comme s'il s'était rien passé. Ils vont Ça aurait nier, été entre moi au guillemets. début, ça, oui. Ouais, ça aurait été moi au début complètement. Mais puis après, on apprend à s'amuser de ce qui se passe et c'est là que ça devient intéressant. Enfin, je dis ça, je suis encore très, très, très, très loin d'y arriver tout le temps. Hein, Ah ben, mais c'est vrai que les personne n'y arrive tout le accidents, c'est temps. ce qu'il y a de plus beau. Oui, voilà, quand tu connais bien ton spectacle après, les accidents, c'est ce qui te permet de faire un peu ce qu'on appelle du hors-piste, quoi, tu vois. Voilà, Et ouais. après, tu t'éclates, quoi. Tu t'éclates, tu te lâches et tout. Tu sais que tu peux revenir dans ton spectacle quand tu veux, quoi. C'est ça, exactement. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup pour ces deux belles anecdotes. Merci. Grand Merci, plaisir. c'était ça, c'était des belles anecdotes bien croustillantes. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai une page qui s'appelle Marie-Églantine, une page D'accord. Facebook. Hein. Moi, j'ai mon compte Instagram aussi, Marie-Églantine underscore. D'accord. Parce qu'il existait une autre Marie-Églantine qui a pris mon nom Instagram, voilà. Ah, ben merci beaucoup. Pour ma part, Ça vous me m'a retrouvez grand sur. plaisir, ça m'a fait plaisir de rappeler ces petites Eh ben écoute, anecdotes. mais franchement, là, ça nous a fait plaisir à nous de les écouter. C'est vraiment génial, ça fait plaisir. Et donc, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Pour ma part, vous me retrouvez également partout, donc sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Sofiane Etaï, E de TAI. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.